الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نبدأ نقول الله سمان دغنياخ شغ ولا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله. دونك لو بوان 49 على فان، صالة إلا إذا اعتدى أو صال على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بغى على ولي الأمر أو غير ذلك، فهذا يقتل دفعا لشره إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. صالة، صالة يصول صولة، c'est se jeter sur, se ruer sur ou se jeter sur. Moi j'ai pas les mêmes. 243. Moi j'ai 303 et vous je sais pas. 243. Sala, c'est un verbe donc ça veut dire se jeter sur. Page 327. Là on s'est arrêté en fait. Le point 60. قال المؤلف رحمه الله الإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. Donc on a Cheikh Ahmed Najmi dans son شرح يعلق على الكلام هذا. Il dit يجي قال في التعليق: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها. يجي c'est rapporté de ابن عباس qui dit que y a pas un arbre في بر c'est-à-dire sur la terre ولا في بحر ou bien dans la mer si ce n'est un ange qui est موكل بها يعني qui a la sa, qui s'en occupe. يكتب ما سقط منها il inscrit ce qu'il tombe d'elle. انظر تفسير ابن كثير قال المعلق: فهذا يدل بطريق الأولى على هذه المسألة التي ذكرها المصنف. قلت في هذا نظر من وجهين. Donc il dit, c'est rapporté dans le tafsir de l'Hafid al-Imam Ismail ibn Kathir, rahimahullah. Et il dit donc, c'est en concordance avec ce que dit l'auteur, al-Barbahari. قلت, le Cheikh dit, Ahmed Najmi, rahimahullah, il dit, في هذا نظر من وجهين. Il y a là-dessus deux regards à porter. Premièrement, أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيما أعلم. Il dit, je ne connais rien à ce sujet qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani à ma connaissance. Ça, c'est un domaine de l'invisible. Donc, il faut un texte d'Allah ou du prophète. Deuxième, أن دلالة هذا الأثر على ما ذكره المؤلف. Le fait que l'auteur a cité cela, أن كل قطرة ينزل معها ملك حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل, ليست بواضحة. Dit, ce point-là n'est pas clair. إذ أن الأثر في كتابة ما يسقط من ورق الشجر والموضوع في نزول المطر. Il dit, ce qu'a rapporté Ibn Abbas, c'est que il y a rien qui tombe de cet arbre là sans que ce ne soit inscrit. Or ici le sujet c'est nuzul al-matar, que avec chaque goutte il y a malak. Wa nahnu nu'minu bi qudrati Allah 'azza wa jalla. Il dit on a pleine croyance en la puissance d'Allah. Wa nu'minu bi anna Allah ya'lamu bi kulli waraqatin tasqut. Et on sait bien que Allah il sait que chaque feuille qui tombe. Wa bi kulli qatrati min qatarati al-matar ayna taqa. Et chaque goutte d'eau où c'est qu'elle tombe. ولكن نزول ملك مع كل قطرة حتى يضعها في مكانها هذا الأمر ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Mais le fait d'affirmer que chaque goutte il y a un ange avec, cela n'est pas authentique du prophète. لذلك فإن يقول أن في هذا نظر. Donc il dit, c'est pour ça que je m'abstiens en disant, وبالله التوفيق, que في هذا نظر. C'est-à-dire الشيخ لا يقطع بأن هذا ليس بصحيح. Il est pas, يعني il tranche pas. Il dit في ما علم, sur ce que je sais. Le الشيخ محدث كما هو معلوم, c'est un محدث, الشيخ أحمد نجمي. Il dit je ne connais pas. Je ne connais rien à ce sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit la moindre des choses à dire c'est que ça demande un regard plus perçant. On continue le point 61 inchallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal iman bi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina kallama ahl al-qalib yawm Badr ay al-mushrikin kanu yasma'una kalamahu. Il faut avoir foi lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé aux morts, c'est-à-dire les polythéistes, du jour de la bataille de Badr, et ils ont entendu ces paroles. Allez. Al-Sharh. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam lahu mu'jizat. Donc le messager il a des miracles. Wal-mu'jizatu hiya al-amru al-khariq lil-aada. Al-mu'jiza, le miracle, c'est quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire. Le mu'jizat, comme vous savez, c'est seulement pour les prophètes, les messagers. Les gens n'ont pas de mu'jizat, ils ont des karamat. Donc le mu'jiza, ça vient de l'i'jaz en fait. Le fait de rendre incapable quelqu'un a quelque chose. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, de tel point qu'une personne ordinaire ne peut pas faire cette chose-là. Il est incapable de la faire. وليس للإنسان فيها عمل. إنما هي من خلق الله جل وعلا. Donc il dit, ça provient, pleinement d'Allah. C'est pas quelque chose que la personne elle peut faire d'elle-même. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله. Dans sourate l'Ankabut, sourate 29, verset 50. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges? Des prodiges, c'est des miracles de la part de son Seigneur. Dit, les prodiges sont auprès d'Allah. Sourate 29, verset 50. يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بآيات من عنده تدل على رسالته كما يقولون. اقتراح, c'est proposer. يقترحون, ils proposent au prophète صلى الله عليه وسلم de ramener, de faire venir, de leur faire voir des miracles, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui montrent que ce n'est pas un être humain ordinaire. Ça veut dire qu'il est bel et bien prophète et messager, comme eux ils disent. وَالْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ. Et en réalité, les miracles sont auprès d'Allah. الرَّسُولُ مَا يَأْتِ بِآيَةٍ إِلَّا مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne ramène pas un miracle, si ce n'est en provenance d'Allah. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الْمُعْجِزَاتِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est Allah qui fait apparaître les choses qui sortent de l'ordinaire, les miracles. وَيُجْرِيهَا عَلَى أَيْدِ رُسُلِهِ لِتَصْدِيقِهِمْ. Il fait en sorte que ça se passe sous la direction, ou bien ça se passe en faveur des prophètes. يُجْرِيهَا, c'est-à-dire que ça se passe en faveur des prophètes. طيب, لِتَصْدِيقِهِمْ, pour que les gens لِتَصْدِيقِ الرِّسَالَةِ, pour que les gens croient que c'est bien, bel et bien prophète et des messagers. ومن ذلك الميت لو تكلمه لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول. Par exemple, il y a un sujet qui est en concordance avec le chapitre, c'est le mort. Si tu lui parles, il ne t'entend pas et il ne sait pas ce que tu lui es en train de lui dire. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم قتل بدر من قريش. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a parlé aux morts de la bataille de Badr parmi les Quraysh, parmi les Mekwas. الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة. Donc ceux qui lui ont causé du mal, du tort au prophète alayhi salam et les musulmans qui étaient avec lui à la Mecque. وتكبروا على الإيمان وعصوا. Ceux qui se sont enorgueillis sur l'iman, c'est-à-dire n'ont pas accepté l'iman, ils sont restés sur la mécréance et ils ont désobéi. وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. Donc ils se sont rués contre le messager et ils l'ont fait sortir. وَأَخْرَجُوا أَصْحَابَهُ وَأَذَوْهُمْ. Ils ont fait également sortir ses compagnons, alhamdulillah. Ses compagnons, et ils leur ont causé du mal. أَمْكَنَ اللَّهُ مِنْهُمْ فِي بَدْرٍ فَقُتِلُوا. أَمْكَنَ اللَّهُ مِنْهُمْ, c'est-à-dire Allah, il a fait en sorte que les musulmans ont pris le dessus, ont pu les toucher, ont pu avoir le dessus sur eux. يوم بدر. Pendant la bataille, ils disent يوم بدر. C'est pendant la bataille de Badr. فَقُتِلُوا. Ils ont été tués. وَقُتِلَتْ صَنَادِيدُهُمْ وَكَابِرُهُمْ. Donc, les principaux parmi eux, Sanadid et Akabir, c'est la même chose. C'est-à-dire Zouama, ceux qui dirigeaient parmi eux, ceux qui étaient plus respectés, plus de valeur, ils ont été tués. Comme Shayba ibn Rabi'a, wa Utba ibn Rabi'a, wa Abu Jahl ibn Hisham, wa Adadun Kabir min Akabir et Quraysh, Qutilou fi Badr. Donc, ces trois personnes-là et d'autres encore, qui ont été tués parmi les grands et parmi les respectés de Quraysh. Ils ont été tués pendant la bataille de Badr. ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في قليب من أبار بدر. قليب لا بطرد في داخل التكست. إيه قليب ما مش عارف معناه شو كده عندك شنو مش بتروي. قليب. حسنا. طيب من أبار بدر. parmi donc في قليب الله أعلم ما معناه من أبار بدر. أبار جمع بئر. c'est le pluriel de بئر. Abar, c'est les puits. وَوَقَفَ عَلَيْهِمُ النَّبِي صَلَى اللَّهِ سَلَمْ وَخَاطَبَهُمْ. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il s'est tenu devant eux et il leur a parlé. يَا فُلَان ابْنُ فُلَان يَا أَبَا جَهْل ابْنَ هِشَام يَا عُتْبَ يَا شَيْبَ يَا أُمَيَّ خَاطَبَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا. Il s'adresse à eux l'un après l'autre. يَا النِّدَا. Le يَا, c'est pour appeler quelqu'un. يَا فُلَان, quand tu appelles quelqu'un, tu dis oh un tel. Donc il s'adresse à un après l'autre. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ Conformément au verset qu'il y a dans quelle sourate? Dans quelle sourate qu'il y a ce passage là? هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ Il y a un verset dans l'Araf. Quand les gens du paradis, les gens de l'enfer, ils vont se parler. Hein? Est-ce que vous avez trouvé ce que on vous a promis véridique ou pas? Donc, est-ce que vous avez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous avez trouvé ce qu'on vous a promis ou menacé véridique? Fa'inni wajadtu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, fa'inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqa. Car moi, j'ai trouvé ce que mon Seigneur m'a promis véridique. Qala lahu Umar, Umar radiallahu anhu ibn Khattab, il a dit, ya Rasulallah, au messager d'Allah, kayfa tukallimuhum, comment est-ce que tu t'adresses à eux? Wa qad jayyafu. Jayyafu, ça vient de Jifa. Jifa, c'est un cadavre. Ce ne sont plus que des cadavres, ce ne sont que des corps. Ils sont décédés. Wa hum la yasma'un, ils ne t'entendent pas. Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, lakinnahum la yantiquna aw la yatakallamun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous n'entendez pas mieux que ce que eux ils entendent. C'est-à-dire qu'ils entendent parfaitement ce que je leur ai dit, mais la yantiquna aw la yatakallamun. C'est-à-dire ils ne prononcent pas, ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas s'exprimer. رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه هذه معجزات هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أجراها الله على يده كديسة سيان ميراكل parmi les miracles du messager عليه الصلاة والسلام qu'Allah il a fait en sorte que qu'il se passe en présence de compagnons. Cheikh Mbad il va parler de ça. Il dit, Cheikh Ahmed Ghafarallahu lah, قال الخلاف حاصل بين أهل العلم, Ahmed Najmi. Il dit, il y a une divergence entre les savants. هل أن أهل البرزخ يسمعون من خاطبهم? Est-ce que les gens qui sont dans les tombes entendent les gens qui leur parlent de l'extérieur? أو أن ذلك خاص بأهل القليب? Ou bien c'est spécifique à ces gens-là. فمنهم من توسع في هذا وزعم أن أهل البرزخ يسمعون الكلام ومنهم من اقتصر على محل النص. Certains se sont élargis, ils ont dit tous les morts entendent ce que tu leur dis. Et d'autres ils se sont limités à ce qui est rapporté dans le texte. C'est-à-dire c'est ces gens-là spécifiques à qui le prophète spécifiquement il s'est adressé, alayhi salam, et ils ont entendu spécifiquement. C'est ça qui est plus juste. Il dit donc les soufis se sont élargis à ce sujet-là d'une manière exagérée. À tel point qu'ils ont dit que Al-Mayyit, le mort, il sait ce qui se passe dans sa famille, dans ses proches, de bien ou de mauvais. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح نقولات عنهم فيها نظر وبالله التوفيق. Il dit l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله dans son livre Al-Ruh, il a cité des choses qui sont à revoir. C'est un des livres d'Ibn al-Qayyim qu'il a écrit quand il était jeune, pour les savants qui disent qu'il a réellement écrit lui-même. Et il y a des passages qui sont un peu étonnant sur des choses qui sont à revoir. Waslou. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الرجل إذا مرض أجره الله على مرضه والشهيد يأجره الله على شهادته. Il faut avoir foi que quand un homme devient malade, Allah le récompense pour sa maladie. Il faut avoir foi au fait qu'Allah récompense le martyr pour sa mort. قال في الشرح الشيخ صالح فوزان وفقه الله قال الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله ne fait pas disparaître ou perdre ou bien oublie la récompense des croyants. ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص. Et il fait en sorte que il y a des malheurs qui touchent les croyants, les musulmans. تمحيص, c'est pour les purifier. أو لمضاعفة الأجر. Ou bien pour multiplier leur récompense. فَقَدْ يُجْرِيهَا عَلَى الْمُؤْمِنِ تَكْفِيرًا لِخَطَايَهُ. Ça se peut que Allah fait en sorte que ça touche le croyant pour effacer ses péchés. وَتَمْحِيصًا لَهُ مِنَ الذُّنُوبِ. Et pour le purifier des péchés. وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ خَطَايَا يُجْرِيهَا عَلَيْهِ لِرِفْعَةِ دَرَجَاتِهِ. Ça se peut que ce n'est pas à cause de péché ou d'erreur ou de mauvaises choses qu'il a fait, mais c'est pour élever son degré dans le paradis. لأن الله كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله. Car Allah lui a écrit une place au paradis, un degré élevé au paradis, qu'il n'atteindra qu'à travers ses actes. يعني il faut qu'il soit touché par des choses qui ne lui plaisent pas pour atteindre ce degré. فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر. Donc Allah il va l'éprouver. يبتليه, ça vient de bala, à travers des malheurs, afin de yudaif, c'est multiplier, C'est pas comme al-da'f qui est la faiblesse. Multiplier la récompense. Fayyablura hadhih al-manzila, pour atteindre ce degré-là. Falmu'minu ala khayrin, wa lihadha qala sallallahu alayhi wa sallam, ajaba li amri al-mu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith rawahu muslim min hadith Suhayb al-Rumi, radiyallahu anhu, qala, ajaba li amri al-mu'min. Comme c'est étonnant l'état du croyant. In amrahu kullahu lahu khayr. Quel que soit son état, il est dans un bon état. In asabatu sarra'u fa shakara fa kana dhalika khayran lahu. S'il y a quelque chose, sarra, ma yasurruk, c'est ce qui te fait plaisir, ce qui te ramène la joie. Si ça touche quelque chose de bien, tu es reconnaissant, c'est mieux pour toi, c'est bon pour toi. Wa in asabatu darra'u wa sabara kana dhalika khayran lahu. Si c'est quelque chose de mauvais qui le touche, quelque chose de difficile, une épreuve, hein, ma yadurruk, fa c'est bien aussi pour lui. Car il patiente, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Et ça, c'est une place qui est spécifique aux croyants. Rawahu muslimun fi sahihihi an Suhayb radiyallahu anhu. Fal mu'minu tusibuhu al masa'ib. Al mu'min, il est touché par des malheurs, divers malheurs. Wa hiya min salihihi. Et c'est dans son intérêt à lui. Imma anna Allah yukaffiru bihi khatayah, wa imma anna Allah yarfa'u biha darajatih. Soit Allah lui efface ses péchés à travers cela, soit il lui élève les degrés. والشهيد le martyr هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار. C'est celui qui a été tué dans la bataille combattant les kuffars. يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. المجاهد c'est comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit, c'est celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Il combat pas حمية ولا من أجل المال ولا من أجل الشهرة ولا من أجل غير ذلك. وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين إلا الدين. Allah lui pardonne toutes choses au martyr, sauf la dette. Pourquoi? لأن الدين حق للآدمي. La dette est un droit d'un ayant droit, un être humain. وحق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه له أو سماحه عنه. Le droit de l'être humain ne s'annulera que si tu lui rends son droit, ou alors tu lui demandes de surpasser son droit, de te pardonner. أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها جميعا بالشهادة في سبيل الله عز وجل. Par contre, les péchés qui sont entre toi et Allah, ça s'efface à travers le fait de mourir en martyr. وهناك شهداء لكن ليسوا شهداء معركة. Il y a d'autres types de martyrs, mais ce ne sont pas des martyrs de bataille. كالميت بالطاعون شهيد. Comme celui qui meurt à travers la peste. ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد. Ou bien celui qui est décédé alors qu'il voulait défendre. Dounamali ou Erde ou Ahli, il voulait défendre ses biens, il voulait défendre son honneur, il voulait défendre sa famille. Il est martyr. Hukman. Tout ça, c'est des martyrs Hukman, pas Hakikatan. Ou le meyit ou l'adi yusabu bi hadith, mufaji, kal harqi, ou le gharik, shahidun indallahi azza wa jal. Ou celui qui meurt suite à hadith, donc c'est quelque chose qui se passe, un événement, mufaji, ça vient de l'fuj'a. L'fuj'a, c'est la surprise, quelque chose qui vient soudainement ou de surprise. كالحرق comme un incendie, والغريق celui qui se noie. Tout ça, ce sont des shuhada, ce sont des martyrs حكما عند الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. واللفظ للبخاري. وعن جابر ابن عتيك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه والنسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم. قال يعني له أجر الشهيد. Donc, on a un texte en haut. Il dit tout cela, ce sont des shuhada, des martyrs. C'est-à-dire qu'ils ont la récompense du martyr. وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام. Mais il n'est pas en relation avec celui qui meurt réellement au cours de la bataille, combattant les kuffars, لإعلاء كلمة الله, pour que la parole d'Allah soit la plus haute. بل يغسل ويكفن. Ce type de shuhada, la communauté là. Celui qui meurt protégeant ses biens, ou celui qui meurt noyé, etc. Celui-là, yurassal, on le lave, wa yusalla alayh, wa yukaffan, wa yusalla alayh. يغسل ويكفن on lui met le linceul autour de son corps et on prie sur lui la prière mortuaire. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه. Par contre celui qui meurt dans la bataille, لا يغسل, c'est-à-dire on ne le lave pas, ولا يكفن, on ne lui met pas le linceul autre qu'avec ses vêtements dans lesquels il est mort, التي قتل فيها, ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه. Et non, on ne prie pas sur lui et yudfan bidimahi et on l'enterre avec son sang comme il est mort, hein? Parce qu'Allah dit dans le Coran, ils sont ahya, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ash-shuhada. Il y a ça dans leçon importante de Cheikh Abdelaziz bin Baz, durus muhimma li 'ammati al-umma, il a un passage là-dessus. Attends, je crois que j'ai un tadir quelque part là. C'est quoi les catégories là? C'est les 5 et les 7. 5, c'est la peste. Le c'est le maladie du ventre. C'est celui qui se noie. Sahibul hadm, c'est celui qui meurt sous une démolition. Il y a quelque chose qui se démolit et où il est. Comment ils disent quand il y a. Enseveli. Soit ça, soit voilà, enseveli. Ou shahid fi sabilillah. Celui qui meurt dans. Shahid fi sabilillah. Al-shuhada sab'a, si wa al-qatl fi sabilillah. Al-mat'oun shahid. Donc le mat'oun, c'est ce qu'on a vu avant. Al-ghariq shahid. Sahibu dhat al-jamb. Hada la'arifu. Je sais pas c'est quoi. Shahid. Al-mabtoun, c'est ce qu'on avait avant. Al-hariq. C'est celui qui est brûlé. والذي يموت تحت الهدم شهيد. Donc c'est ce qu'on a vu avant. Voilà, on se lit. والمرأة, et la femme qui meurt suite à الذي يظهر الله عليه, c'est l'accouchement. Le hadith est dans le Muwatta. Vous pouvez regarder dans le Muwatta. Le premier est dans le Bukhari. Frère, atteignez vos téléphones, mettez-les sur silence. Et il y a un chapitre, Cheikh Najmi ou bien Raddadi qui a fait le ta'liq. Il dit que il y a dans Ahkam Janaiz. Ahkam Janaiz est traduit en français, le Cheikh Al-Albani. Il y a un passage là-dessus. Il y a un passage, si vous voulez voir Anwa' al-Shuhada, les sortes de martyrs, Raja'u Kalam Cheikh Al-Albani dans Ahkam Janaiz. Vous trouverez des détails là-dessus sur les 7 catégories ou les 5 catégories. Il y a pas le vendredi, en fait, qui meurt la veille du vendredi. Ben, Cheikh Al-Albani dans Ahkam Janaiz, il a cité que ça faisait partie des bons signes, d'une bonne fin. Mais que c'est un martyr, Allah wa'alim. Mais la différence entre ce qui meurt en bataille et ce qui meurt parmi les saints. Il est martyr hukman, ça veut dire la récompense du martyr. Mais voilà, cette personne-là, voilà, on lave, on lave, et on lui met le linceul, et on prie sur lui, on l'enterre comme un musulman normal. Allah wa'alim. Shahid hakikatan, c'est seulement celui qui meurt en bataille. Voilà, c'est seulement celui qui meurt en bataille. Les autres, c'est Shahid hukman. Il a la même loi, il a le même mérite ou kada, mais il n'est pas Shahid dans le sens profond du terme. La récompense, c'est pas la même non plus. Oui. C'est péché, sauf la dette, c'est tout, ouais. C'est ça qui est cité. Les autres, il n'y a pas ce fadl. Il n'y a pas ce mérite-là. Cheikh, il le dit ici. Voilà, haqiqatan. يعني له اجر الشهيد وليس هو مثل شهيد المعركه في الاحكام. D'accord. يعني المعركه الاحكام c'était par rapport le lavage. Voilà, c'est ce qu'il cite après. Bel, bel, c'est-à-dire que dans l'ahkam, yughassal contrairement à l'autre, on va le laver contrairement à l'autre, on va lui mettre le linceul contrairement à l'autre qui meurt dans la bataille et on prie sur lui contrairement à l'autre. Par contre, شهيد المعركه, celui qui meurt dans la bataille, on le lave pas, on lui met pas le linceul autre que ses vêtements et on ne le prépare sur lui et on l'enterre avec son sang. C'est ce que tu fais. Tu n'as pas dit qu'il est mort par rapport au Ajar. L'Ajar est différent. On a vu ça, Allah Alam, dans Riyad Salihin, sur Riyad Salihin. Je vais l'écrire, je vais vous donner le calme, Cheikh Al-Athimi, Inch'Allah. Ok. Assalamu alaikum. Qu'il est le mot alifu, rahmahullah. Qu'il est l'iman, bi'anna l'atfala, idha asabahum أختي عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. Il faut avoir foi au fait que les enfants sentent dans ce moment de la douleur absolue. Bakr, fils de la sœur de Abd al-Wahid, a dit qu'ils ne sentent pas la douleur. C'est un mensonge. هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول Donc ce point-là, l'auteur l'a cité à cause de ceux qui disent que inna al-atfala la ya'lamun. Les enfants la ya'lamun, la ya'lamun, ça vient de l'alam, ne sentent pas la douleur. Comment on l'a traduit? Comme ça? Les enfants sentent dans ce moment la douleur affligée. Sentent? Ouais, sentent. Ah, ou d'abord le kalam, kamil. Il faut avoir foi au fait que les enfants sentent dans ce moment la douleur affligée. Eh, la fin, la fin. Bakr, fils de la fille de, fils de la sœur de Abdul Wahid, a dit: ils ne sentent pas la douleur, c'est un mensonge. Barakallahu fik. Donc il dit: inna al-atfal la ya'lamun. Certains qui disent que les enfants ne ressentent pas la douleur. Wa hadhihi dhakaraha yarudd 'ala hadha ar-rajul. Donc l'auteur Barbahari rahimahullah, il a cité ça pour répliquer sur cette personne qui a dit ça. Wa hadha ar-rajul yuqalu innahu min al-khawarij aydan. Donc cette personne qui a dit ça, il fait partie des khawarij. Cette firya hadhihi, elle vient des khawarij, wal khawarij 'indahum a'jab min hadhihi al-aqwal at-tafiha. Il dit les khawarij, en fait, ils ont des paroles qui sont plus étonnante encore que ces paroles viles. Tafih, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Bisabab jahlihim ou bisabab ta'alumihim. À cause de leur ignorance et de ta'alum. De ta'alum, c'est quelqu'un qui se fait apparaître en tant que connaisseur comme alim alors qu'il ne l'est pas. Dans la marge, قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان رحمه الله بكر ابن اخت عبد الواحد ابن زيد البصري الزاهد ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج. Donc Ibn Hajar cite qu'il fait partie des khawarij. قال كان يقول في كل ذنب ولو صغر حتى الكذبة حتى الكذبة الخفيفة على سبيل المزاح بفاعله كافر مشرك بالله من أهل النار إلا إن كان من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة. Donc il dit que cette personne là l'a évoqué Ibn Hazm et d'autres parmi les khawarij. Il a dit que cette personne a dit quoi? Que n'importe quel péché que la personne elle fait, même si c'est un petit péché, حتى الكذبة, الكذبة الخفيفة, même un petit mensonge, quelqu'un qui fait ça, al-sabil al-muzah, c'est-à-dire juste pour plaisanter, il disait أنه كافر مشرك. À travers ça, il le faisait sortir de l'islam et qu'il faisait partie des adeptes de l'enfer éternellement. من أهل النار إلا من كان من أهل بدر. Sauf s'il fait partie des gens qui ont combattu la bataille de Badr. فهو كافر مشرك من أهل الجنة. Il disait dans ce cas-là, s'il fait partie de ceux qui ont combattu la bataille de Badr, il est kafir mushrik, mais il fait partie des gens du paradis. Wa kana tilmiduhu Abdullah ibn Isa yaqul innal majanin wal atfal wal bahaim la ya'lamuna al batta. Donc un de ses élèves Abdullah ibn Isa, il disait que les majanin, les gens qui ont perdu la raison, wal atfal et les enfants, wal bahaim et les animaux, la ya'lamuna al batta, ne ressentent aucune douleur bi shay'in nazala bihim min al 'ilal wa ghayriha. Quelque chose qui les touche, tel que l'ilal, c'est les maladies ou les problèmes. لِيَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ. Car il disait que Allah n'est injuste envers, n'est pas injuste, ne serait-ce que l'équivalent du poids d'une fourmi. وَنَقَلَ ابْنُ قُتَيْبَ مَسْأَلَةَ الْإِلَامِ عَنْ بَكْرِ نَفْسِهِ وَمَنْ شَنَّعَهُ وَمَنْ شَنَّعَهُ أَنَّ مَنْ سَرِقَ حَبَّةَ خَرْدَلْ كَانَ مُخَلَّدًا. ومن شنعه عندك ألف ألف لا من شنعه بلك أن من سرق حبة خردل كان مخلدا في النار مع الكفرة. Donc Ibn Qutaybah rahimahullah a cité ce point là de cette personne là Bakr, et il a dit que il disait que celui qui vole ne serait-ce que حبة خردل, le poids d'un gramme ou quelque chose de vraiment vil, il fait partie de كان مخلدا في النار مع الكفرة, il sera éternellement en enfer avec les kuffars. وبالغ ابن قتيبة في الرد عليه في هذه المقالة. يعني ابن قتيبة il a répondu et répliqué d'une manière rude sur ce point-là. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله لذلك فالطفل إذا أصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجد. Il dit الطفل l'enfant quand quelque chose le touche يصيح. يصيح c'est-à-dire il crie. يبكي تعرفوها ويستنجد. استنجاد هو الاستغاثة, استغيث, il demande de l'aide. يبكي, il demande de l'aide, il demande quelque chose, il demande استنجاد. هذا دليل على أنه يتألم. Ça montre qu'il sent les douleurs. هذا شيء مشاهد ومحسوس. Ça, il n'y a pas besoin de texte ou là, il dit que مشاهد محسوس. Il va devant un enfant, fais-lui mal, tu vas voir ce qu'il va faire. لكن هذا الرجل عنده أفكار شاذة ومنها هذه المسألة. Il dit cette personne qui a dit ça, il a des paroles qui sortent du commun et parmi ces points-là, le sujet en question. En fait, je suis pas trop compris le point, parce qu'il dit quoi exactement ? Quelque chose okay, qui ne rentre pas peut-être dans ton crâne. C'est qu'il dit que les enfants, quand ils ne sentent pas la douleur. C'est une croyance. Voilà, ouais. Aqida. Mas. قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه لا يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه وله عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. Sache que nul n'entrera au paradis excepté par la miséricorde d'Allah, rahmatullah. Allah ne punira personne si ce n'est selon ses péchés. Si le châtiment d'Allah doit tomber sur les habitants des cieux et des mondes, des bons et des mauvais parmi eux, alors il les punira sans être injuste à leur égard. Et il n'est pas permis de dire sur Allah tabaraka wa ta'ala qu'il est injuste, car l'injuste est celui qui inscrit compte des choses qui ne concernent pas la personne, alors que la création et les décrets appartiennent à Allah jalla wa ala. Al-Sharh, qawluhu, sa parole de l'imam, wa'alam annahu la yadkhulu ahadun janna illa bi rahmatillah. Qara qita'a qita'a. La création est sa création et le monde est son monde. Il ne sera pas interrogé au sujet de ce qu'il fait, mais eux plutôt seront interrogés sur ce qu'ils ont fait. Et on ne demande pas pourquoi et comment, et nul ne peut entrer entre Allah et sa création. Sache que nul n'entrera au paradis excepté par la miséricorde d'Allah. Allah ne punira personne si ce n'est selon ses péchés. Il dit donc, le paradis est cher et élevé, et tu ne peux pas l'atteindre à travers des actes. Quels que soient les actes que tu fais, même si tu ne fais que des choses qui sont concordance avec les ordres d'Allah. Il ne pourra pas faire en sorte que ces actes équivalent à... au bienfait qu'Allah il a donné à la créature. فلو حسب على النعم لم يبقى عنده عمل هذه ناحية. Il dit premièrement, si on fait les comptes sur les bienfaits qu'Allah t'a donné et sur les actes que tu as fait, tu ne pourras jamais rendre les bienfaits qu'Allah t'a donné à travers tes actes. الناحية الثانية, deuxièmement, أن الجنة غالية, le paradis est cher, وليس لها قيمة مقدرة من الأعمال أو المال أو غير ذلك. Elle n'a pas de valeur qu'on peut lui donner. Dans le sens, on dirait que le paradis il vaut tant et tant. Tant et tant d'actes, tant et tant de prosternation, tant et tant de prières, tant et tant d'argent. La ya'lamu 'idamaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne connaît sa réelle valeur que Allah seul. Lakin Allah yudkhilu al-mu'minina al-janna bi rahmatihi. Allah va faire entrer les croyants au paradis par sa miséricorde. Bi sababi a'malihim, à cause de leurs actes. Fal a'malu innama hiya sababun lidukhuli al-janna. Les actes sont une cause d'entrée au paradis. Et ce ne sont pas les actes qui font entrer au paradis. Grande nuance. Les actes sont une cause d'entrée au paradis, mais ce ne sont pas les actes qui font rentrer au paradis. Ce n'est pas le prix du paradis. Le prophète a dit, personne n'entrera parmi vous au paradis à travers ses actes. En échange de ses actes. هذا من أجل أن الإنسان لا يعجب بعمله. Il dit, ce hadith-là est cité pour que la personne ne soit pas trompée et n'ait pas la vanité à cause de ses actes. Il dit, moi je fais tant d'actes, je fais 5 prières par jour, une somme, je fais telle et telle chose. خلاص. Là, لأجل أن يترك العمل. Donc ce point-là, ce hadith-là a été cité pour que la personne ne soit pas trompée par ses actes. Pas pour qu'ils se disent que mes actes ne font pas rentrer au paradis, donc ça ne sert à rien que je. Allah dit dans le Coran, surat les abeilles, surat 16, verset 32. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. entrer au paradis pour ce que vous faisiez. Donc, on dirait que le hadith et le verset ils sont en contradiction. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, personne d'entre vous ne rentrera au paradis bi amalihi. Il a utilisé le ba. Et dans le verset, udkhulul jannata bima, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Bi aussi. قال قال الشيخ الباء ليست باء العوض والثمن وإنما هي باء السببية. Donc باء الأولى الباء dans le verset c'est باء السببية. C'est le باء qu'on utilise pour introduire la cause, c'est-à-dire rentrer au paradis à cause pour ce que vous faisiez, c'est-à-dire à cause de ce que vous faisiez. Vos actes, vos bons actes sont une cause d'entrer au paradis. Et c'est pas باء العوض. باء العوض c'est-à-dire en échange de. Hein? En échange de. Le ba ici, ça ne veut pas dire tu rentres au paradis en échange de tes actes. Tu rentres au paradis à cause de tes actes. Hey, bise. Hein? Excuse-moi. Est-ce que quand je donne un prix, par exemple, ce livre coûte. Hadha al-kitab bi kada. Voilà, comme ça. Bisabab bima kuntum ta'malun. Bidalil hadha al-hadith. Lan yadkhula ahad minkum al-jannata bi'amalihi. قالوا ولا أنت يا رسول الله. Les compagnons ont dit même pas toi, au messager d'Allah. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه البخاري في الصحيح ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même il a dit même pas moi, si ce n'est qu'Allah me couvre de sa miséricorde. فلا يعجب الإنسان بعمله. La personne ne doit pas être trompée par ses actes. ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل. Et vous savez que dans le hadith, c'est cité Daoud Abad al-Bashar. Daoud, c'est le plus adorateur des gens. Certains, ils ont dit c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, ils se sont limités au hadith Daoud Abad al-Bashar. Malgré ça, le prophète, alayhi wa sallam, il a dit que ses actes ne sont pas en échange du paradis. فَلَوْ لَمْ يُعْمَلْ مَا دَخَلَ الْجَنَّةِ لِيَنَّهُ مَا أَتَى بِالسَّبَبِ فَلَا يُعْجَبْ الْإِنسَانِ بِعَمَلِهِ وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ إِلَّا بِسَبَبِ الْعَمَلِ. Tu rentreras au paradis qu'à travers la cause de tes actes. فَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ مَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Si tu n'œuvres pas, tu ne rentreras pas au paradis, li'annahuma ata bis-sabab, car tu n'as pas fait la cause. Qawluhu wa la yu'adhibu Allahu ahadan illa bi qadri dhunubi. Allah ne châtiera pas. Allah ne punira personne si ce n'est selon ses péchés. Al-jannatu fadlun min Allah jalla wa ala wa bi rahmatillah. Donc il dit le paradis, c'est une grâce de la part d'Allah, une miséricorde de sa part. Les actes sont une cause d'entrée au paradis. Les adeptes de l'enfer ne seront châtiés qu'à cause de leur péché. À l'équivalence avec leur péché. Ils ne seront pas châtiés pour les péchés de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas fait de péché ne sera pas châtié. Tout ça, ça montre l'équité d'Allah. Le paradis, c'est un mérite et une grâce de la part d'Allah. Et l'enfer, c'est une justice de la part d'Allah. C'est-à-dire que la personne sera châtiée selon ce qu'elle a fait, pas un péché de quelqu'un d'autre. Et عذبهم غير ظالم لهم. Si le châtiment d'Allah doit tomber sur les habitants des cieux et des mondes, des bons et des mauvais parmi eux, alors il les punira sans être injuste à leur égard. هذا كما سبق. Cela en concordance avec ce qu'on a cité avant. أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه. Donc, comme on a cité auparavant, la personne, quelle que soit l'intensité des actes qu'il œuvre, ce ne sera pas équivalent à certains des bienfaits qu'Allah lui a donné. فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَهُ كَانَ ذَلِكَ عَدْلًا. Si malgré cela, Allah il le châtie, ce sera une justice de sa part. لِتَقْصِرِهِ فِي شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ. Car il n'aura pas été à la hauteur de la reconnaissance des bienfaits qu'Allah lui a donné. وَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ نَصُّ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ. Il dit ces paroles-là, يعني ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. Il dit c'est en totale concordance avec un hadith rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit لو أن الله عذب أهل السماوات أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. Le sens du hadith, si Allah châtiait Ahl al-Samawat, les habitants de ces cieux et de la terre. De ces cieux. De ces samawat. En arabe, t'avais lu Ahl al-Samawat. Ah, Ahl al-Samawat, bidon al-Flam. Les habitants de ces cieux et de la terre, il les aurait châtiés alors qu'ils n'auraient pas été injustes envers eux. Et s'il est miséricordieux envers eux, sa miséricorde serait meilleure pour eux que leurs actes. Lien al-Fajr a'adzabahu ifujuri. Le débauché, il l'a châtié à cause de sa débauche. Wal-barra a'adzabahu lian amaluhu la yu'ahhiluhu lidukhuli al-janna. Et le bienfaisant, il le châtierait car ses actes ne sont pas à la hauteur. La yu'ahhiluhu معناه انه ليس باهل. Il n'est pas apte à rentrer au paradis. Pourquoi? لانه لا يقابل نعم الله عليه. Car ses actes ne peuvent pas n'ont pas atteint le degré d'échange contre les bienfaits qu'Allah lui a donné ou certains d'entre eux. قوله قول المصنف لا يجوز ان يقال لله عز وجل انه ظالم. Il n'est pas permis de dire sur Allah tabaraka wa ta'ala qu'il est injuste. الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم. Donc Allah نزه نفسه عن الظلم. Allah il sait, يعني, il a écarté cette caractéristique de lui, comme quoi il aurait une quelconque injustice. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. Surat al-Fussilat, surat 41, verset 46. Il dit: et cependant, ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. وقال تعالى لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Et Allah dit également dans surat Ghafir, le verset numéro 17: ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. Ton Seigneur est injuste envers personne. Surat Al-Kahf 18, verset 49. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Surat Zukhruf, surat 43, verset 76. Nous n'avons pas été injustes envers eux, mais c'était eux qui étaient injustes. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Et surat Nahl à la fin, surat 16, verset 118. Nous leur avons fait aucun tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رواه مسلم في الصحيح. فالله جل وعلا حكم عدل لا يليق به الظلم. Donc Allah dit dans le hadith Qudusi هذا rapporté par Muslim: oh mes serviteurs, j'ai interdit l'injustice sur moi-même et j'ai fait en sorte qu'elle soit interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. قوله وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر. Car l'injustice est celui qui inscrit compte des choses qui ne concernent pas la personne, alors que la création et les décrets appartiennent à Allah. طيب. قال الظلم هو أخذ حق الناس. L'injustice c'est prendre le droit des autres, des gens. وهل الناس لهم حق على الله. Est-ce que les gens ils ont un droit sur Allah. ليس لهم حق على الله. Ils n'ont pas le droit sur Allah. ولا أحد يوجب على الله شيئا. Personne ne peut rendre obligatoire un droit des créatures sur Allah. وإنما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Le droit des créatures sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas quelqu'un qui n'a pas commis de shirk, comme dans le hadith de Mu'ad, وهو في أول كتاب التوحيد. هذا حق تفضل الله أو تفضل به سبحانه. Donc ce droit là, هذا حق تفضل به سبحانه. C'est un droit qu'Allah il a donné par sa grâce. C'est pas un droit qui a été يعني imposé par quelqu'un d'autre. والظلم l'injustice هو وضع الشيء في غير موضعه. Ça c'est la définition que les savants donnent. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. Mettre une chose ailleurs qu'à sa place. فالله لا يضع العذاب في من يستحق النعيم. Allah ne n'attribue pas le châtiment à quelqu'un qui mérite le délice. ولا يضع النعيم في من يستحق العذاب. Ni le contraire que le contraire. Il n'attribue pas le délice à quelqu'un qui mérite le châtiment. بل يضع النعيم في من يستحقه. Le délice à celui qui le mérite. ويضع العذاب في من يستحقه. Et le châtiment à celui qui le mérite. هذا هو العدل. أما العكس فهو الظلم. C'est ça la justice. Et le contraire est injustice. لو عذب أهل الإيمان وأكرم أهل الكفر. s'il châtiait les adeptes de l'iman et akrama ahl al-kufr et qu'il était noble avec les adeptes de la mécréance, yakunu hadha huwa adh-dhulm. Là, ça aurait été de l'injustice. Wallahu munazzahun 'an dhalik. Allah, il est bien au-dessus de cela. La yumkinu an yu'adhdhiba ahl al-iman wa an yukrima ahl al-kufr. Yani Allah ne châtie pas les gens les adeptes de la foi et il est noble envers les adeptes de la mécréance. Wa an yudkhila al-kuffar al-jannah. Et il ne va pas faire entrer les mécréants au paradis. Wa an yudkhila al-mu'minina an-nar. Et faire entrer les croyants en enfer. Hada la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Ça, ce n'est pas conforme avec l'équité d'Allah. Qawluhu wallahu lahu al-khalqu wal-amru wal-khalqu khalqu wad-daru daru. La création est sa création et le monde est son monde. La création est sa création et le monde est son monde. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله dit dans le Coran sourate 7 verset 54: La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. ألا له الخلق وهو إيجاد الأشياء من عدم. وهو إيجاد الأشياء من عدم. الخلق, c'est le fait de faire exister quelque chose du néant. Donner existence à quelque chose du néant. فكل المخلوقات خلقها الله جل وعلا. Toutes les créatures, c'est Allah qui les a créées. لا أحد يخلق مع الله. Personne ne crée avec Allah. قال الله تعالى الله خالق كل شيء. Allah a créé, Allah est le créateur de toutes choses. Sourate Zumar, sourate 39 verset 62. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Donc un autre verset dans sourate Al-Ra'd, sourate 13 verset 16, le tonnerre. Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit Allah le créateur de toutes choses, et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. بِحَيْثُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ أَنْ خَلَقَ الْعَبْدَ بِحَيْثُ أَنَّ خَلْقَ الْعَبْدِ يَشْتَبِهُ بِخَلْقِ اللَّهِ. Il y a à tel point qu'on pourrait dire que est-ce que les deux créations se sont confondues, la création d'Allah et la création de la créature. هذا لا يمكن. Ceci est impossible. وهو مستحيل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. Allah dit dans le Coran, sourate 46, sourate Al-Ahqaf, verset 4. Dit, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils dans les cieux une participation? Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Allah? والأمر له سبحانه. Donc il a dit, المؤلف, il a dit, والله له الخلق والأمر. Il est décret à partir de Allah. Le décret. له سبحانه والأمر هو التشريع. التشريع c'est الأمر, donc c'est son ordre, c'est sa législation, ce qui légifère, sa religion. والوحي المنزل. La révélation qui est révélée. فالخالق هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم. Ça, c'est un droit spécifique à Allah seul. C'est lui qui crée, c'est lui qui légifère. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui interdit. C'est lui qui rend les choses halal, qui rend les choses haram. Qui rend les choses obligatoires et les choses interdites. قال, en concordance avec ce qui est meilleur pour ces créatures. وينهاهم عما يضرهم. Ce qui est mauvais pour eux, il leur interdit. وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل. Donc il dit, personne ne peut ordonner ou interdire ou dire telle chose elle est halal ou telle chose elle est haram, telle chose faut la faire, telle chose faut pas la faire, en dehors d'une preuve claire. Allah dit dans le Coran, surat Shura, surat 42 verset 21, أم جعلوا لله أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. Surat Shura, surat 42, verset 21. Où aurait-il bien des associés à Allah qui aurait établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? فالأمر لله سبحانه وتعالى الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. Donc l'amr al-kawni, c'est-à-dire son ordre universel, les choses qui n'ont pas relation avec la religion directe, والأمر الشرعي, donc c'est la législation qu'il a légiféré, c'est-à-dire la religion qu'on doit respecter. يأمر وينهى سبحانه وتعالى. Il ordonne et il interdit. له ألا له الخلق والأمر. Il a la création. À lui appartient la création et l'ordre. L'Araf, sourate l'Araf, verset 54. وفرق بين الخلق والأمر. il a divisé entre, il a fait une distinction entre la création et l'ordre. Fadalla ala anna al-amra ghayru makhluq. Ça montre que l'amr, l'ordre, n'est pas créé. Puisqu'il a dit ala lahu al-khalqu wal-amr. Donc ça montre que l'ordre, et parmi l'ordre il y a le Coran. Ou l'ayadi, il l'a utilisé l'imam Muhammad avec al-mu'tazila pour leur faire comprendre que le Coran ghayru makhluq. وفي هذا رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. Il y a là-dessus une preuve claire, réplique à la secte de الجهمية, الجهم, Ibn Safwan et Tirmidhi, qui disent que le Coran مخلوق, que le Coran il est créé. وإن كلام الله مخلوق. Allah فرق بين الخلق والأمر. Allah il a fait différence entre la création et l'ordre. الأمر هو من الكلام والتشريع. L'ordre, ça fait partie de ses paroles, ça fait partie de sa législation, c'est incréé. Wallahu farraqa bayna al-khalq wal-amr, tadalla ala anna kalam Allah ghayru makhluq. Ça montre que les paroles d'Allah ne sont pas créées. Wad-daru daru jalla wa ala wad-duru thalath. Donc, je crois demeure, c'est ça demeure. Ouais. La création, sa création et le monde a son monde. Donc wad-duru thalath, les demeures sont de trois: daru ad-dunya, daru al-barzakh wa daru al-qarar. Darul Dunya, la vie ici-bas, Darul Barzakh. Al Barzakh à la base, ça veut dire barrière. Ça veut dire quelque chose, un obstacle. Bainahuma Barzakhun, la Yabriyan. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle entre les deux. Al Barzakh, c'est l'obstacle entre Darul Dunya et Darul Qarar. Tayyib, wa Darul Qarar, wa hiya al-akhira, la demeure de la stabilité qui est l'akhira. Kulluha lillah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il ne sera pas interrogé au sujet de ce qu'il fait, mais eux plutôt seront interrogés sur ce qu'ils ont fait. لا يسأل عندك بالفتح عندكم بالفتح في ضمه يعني verse comme ça لا يسأل عما يفعل وهم يسألون في سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى on n'interroge pas Allah à propos de ce qu'il fait لأن أفعاله ليس فيها نقص ses actes à lui ne sont pas accompagnés d'amoindrissement ou de faiblesse وليس فيها خلل فهي متقنة ومحكمة sont des actes parfaits complets ولا يتطرق إليها نقص أو خلل أبدا. Il n'y a pas d'amoindrissement ou de faiblesse. والسؤال إنما يكون لمن عنده نقص أو خلل في عمله. La question se pose à celui qui a une faiblesse, amoindrissement dans ses actes. فالله لا يسأل عما يفعل. Allah n'interroge pas à propos de ce qu'il fait. لأن أفعاله لا على التمام والكمال. Ses actes sont parfaits, complets. لا لمجرد قهره وربوبيته كما يقوله من يقوله. C'est pas seulement à cause de Al-Qahr ou Al-Rububiyya. Al-Qahr, c'est-à-dire celui qui domine. Al-Qahr, il traduit par dominateur suprême. L'adhi yaqahar un-nas, celui qui les domine, prend le dessus sur eux. Al-Rububiyyati. Pas seulement, on n'interroge pas à ce sujet-là, pas seulement parce que Allah il domine et qu'il est auteur de la seigneurie, comme le disent ceux qui disent cela. Huwa la yus'alu li'azamatihi subhanahu wa ta'ala wa jalali. On ne demande pas ces choses-là à cause de l'azama, la grande valeur d'Allah. Et son caractère majestueux. لكن ليس هذا وحده فقط. بل لا يسأل أيضا لأن أعماله متقنة. Pas seulement à cause de ça, il y a un caractère majestueux de sa valeur, mais également parce que ses actes sont parfaits. لا يتطرق إليها نقص. تطرق, c'est-à-dire ne peuvent pas s'introduire ou s'insérer. نقص, amoindrissement, faiblesse, ou خلل بالكلية. Ou bien quelque chose de totalement mauvais. بخلاف المخلوق. إليها نقص أو خلل بكلية. Soit ça veut dire ça, soit ça veut dire que يعني, ne serait-ce qu'une petite faiblesse ou un petit amoindrissement ne peut pas s'introduire. بخلاف المخلوق فإنه يسأل عن فعله. Contrairement à la créature, on interroge sur ses actes. لأنه يخطئ وينقص عمله. Car يخطئ, il fait des erreurs et ses actes sont amoindris. ويكون عليه ملاحظات. Et il y a des observations et des commentaires. Quelqu'un qui fait quelque chose, il y a un commentaire, il y a un taqsir, il y a un mulahadat. Fa huwa yus'alu liannahu naqisun min kulli al-wujuh. Donc, on interroge car il est amoindri. Illa man kammalahu Allah wa a'anahu saddada. Sauf celui à qui Allah lui a accordé le caractère complet, il l'a aidé et il l'a renforcé. Wa li hadha qala wa hum yus'alun. La fin du verset, la yus'alu amma yaf'al, yani Allah wa hum yus'alun. Les créatures sont interrogés ou seront interrogés. هذا من الفرق بين الخالق والمخلوق أن الله لا يسأل والمخلوق يسأل. Ça, c'est parmi les différences qu'il y a entre la créature et le créateur. Il y a aussi Les gens disent Al-Majnoun, la Yus'al, Amma Yaf'al. Quelqu'un qui est fou, il n'interroge pas sur ce qu'il fait, il n'a pas la raison. Qal, qawluhu wa la yuqalu lima wa kayf. Ça, on l'a vu plusieurs fois. On ne dit pas aussi pourquoi. Et on ne demande pas, pourquoi et comment. Et nul ne peut entrer entre Allah et sa création. وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى اللَّهِ. On ne contredit pas Allah, on s'oppose à lui. فَيُقَالْ لِمَاذَا خَلَقَ اللَّهُ كَذَا. Pourquoi Allah il a créé telle chose. وَمَا كَيْفِيَةُ خَلْقِ اللَّهِ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Comment Allah il a créé telle chose. هَذَا لَا يَجُوزُ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est une question à ne pas poser. بَلْ عَلَيْنَا التَّسْلِيمُ وَالْإِنْقِيَادِ. Donc il faut se soumettre et appliquer. وَاعْتِقَادُ أَنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ كَامِلَةٌ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ وَلَا خَلَلٌ. Et avoir la conviction que les actes d'Allah, et ce qui provient d'Allah, c'est complet, parfait. La yatatarraqu ilayha naqsun wa la khalal. Il n'y a pas d'amoindrissement ou de faiblesse. Wa in khafiyat alayna ba'd al-hikam aw ba'd al-'ilal fala tas'al fala nas'alu 'anha. S'il y a des choses qui sont incomprises, faut pas interroger à ce sujet-là. Et dans le sens lima wa kayf, hein, la personne elle peut interroger au sujet de la religion mais pas lima fa'ala Allah kadha. Bal nusallimu in adrakna al-hikma wa al-'illa. Si on connaît la hikmah, la sagesse qui a été tirée de cela, et la cause, etc., c'est bien. Si on ne l'atteint pas, on ne la comprend pas, on se soumet à cela. Et il ne faut pas s'arrêter, comme certains font, en disant je ne comprends pas pourquoi je devrais faire ça. Et il dit, yani, quand je découvrirai pourquoi il faut faire ça, je le ferai, sinon je ne le fais pas. C'est le qabr, c'est le qabr. C'est le qabr. La barrière. C'est une barrière. Le mot, barzakh, il veut dire barrière. C'est comme barakhi. On s'arrête là. Quelqu'un va rajouter quelque chose? Moi, il change de question par rapport au point. C'est pas le mort anis, c'est spécifique à ce mort-là. Qu'ils attendent un lion ou le. Cheikh Najmi, il dit ça. Cheikh Faleh Ismail en Angleterre, tu as parlé de ce sujet, on a un frère qui a parlé de ce sujet. Cheikh, il dit, là où c'est affirmé qu'ils entendent, ils entendent. Là où c'est affirmé qu'ils entendent pas, ils entendent pas. Là où c'est pas affirmé, c'est pas nié. Il dit, on sait pas. Aussi aujourd'hui, ou juste à cette époque-là? Cheikh Najmi, il dit, à cette époque-là, ces personnes-là, ils ont entendu, et les autres, non. Les autres, toutes les autres, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'adressait à quelqu'un d'autre, il dit non. Mais il dit à ces gens-là à qui s'est adressé, Umayya bin Kada ou Rabi'a ou Kada, il dit tout cela là, ils entendaient qu'est-ce qu'il lui disait. C'est spécifique à cet événement-là, ce jour-là, à cet instant-là, avec ces personnes-là. Allahu alayhi. Fikum barakallahu. Hada wallahu alayhi wa sallam wa sallam wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.